Je suis Damien, prince du Goûter de Lu, défenseur du secret des Sélénites. Lui, c'est Thierry, mon technicien informatique. Mon secret est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où je levais mon CD de Yokoyama Sensei au ciel et en criant « Par le pouvoir de la musique orchestrale !» Je détiens la clé de sol toute puissante. Thierry se transforme alors en monstre de combat et moi, je deviens Yota, l'homme possédant le plus de CD soundtrack qui ait existé jusqu'ici. Yota. Les seuls à connaître mon secret sont Yakuza, Yodoka et ma maman. Tu auras chez ta chambre, oui. Ils m'aident tous les trois à défendre ma bibliothèque de CD des forces de la gravité. Yota. Bonjour à tous, nous attaquons en ce mois de septembre la troisième saison de Animer nos mélodies. J'espère que vous suivrez encore quelques temps l'émission. Dans ce 19e podcast, nous mettrons des collants et ferons de la GRS avec Cynthia ou le rythme de la vie. On lèvera un glaive en l'air avec Smusclore et les maîtres de l'univers. Et pour terminer, nous irons nous promener dans le monde d'Isabelle en exclamant du chant grégorien avec la série Tanku no Escaflone. Mais tout d'abord, les news. C'est début juillet que le double CD album Soundtrack, anniversaire pour les 35 ans de Ulysse 31, est sorti et qui se trouve être une mise à jour du premier CD sorti en 2013. Mais quelle mise à jour ! L'attente est au-delà de nos attentes, justement. Nous avons là toutes les musiques produites pour la série, mais aussi ceux jamais utilisés, et la qualité sonore est au rendez-vous, grâce à une remasterisation complète dans l'illustre studio anglais Abbey Road. Ce double CD est accompagné d'un livret cette fois en français, explicatif et instructif, de la création de cette BO mythique. Pour l'acheter, rendez-vous sur Amazon, seul lieu de vente officiel. Animer nos mélodies vous prépare d'ailleurs un omaké spécial avec un invité qui vous parlera de long et en large de la production de ce double CD. La La Land continue dans sa lancée et après nous avoir proposé en vinyle les albums soundtrack de Wicked City, La Cité Interdite, Devilman Rebirth, l'éditeur américain s'apprête à sortir le soundtrack du film et OAV Perfect Blue du regretté Satoshi Kon. Celui-ci se fera en précommande uniquement, aussi rendez-vous vite sur lalaland.com. Allez, on lance le ruban en l'air d'une main, et de l'autre, on attrape son podcast et on écoute la chronique sur Cynthia ou le rythme de la vie. J'aime la gym et je m'entraîne. Dans la vie, c'est la gym que j'aime. C'est très dur, mais j'y arriverai. C'est normal, tout le mal qu'on se donne. Si l'on veut devenir une vraie championne. J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym. Essayez de sauter, de danser au Cynthia. C'est très dur, mais j'y arriverai au Cynthia. C'est normal, tout le mal qu'on se donne au Cynthia. Je serai une vraie championne. J'aime la gym, j'aime la gym. Et je m'entraîne, j'aime la gym. J'aime la gym. Je battrai les records pour une médaille d'or. Je veux que tu sois fière de moi. Mais C'est Claude Lombard qui, une fois de plus, pour les dessins animés de la 5, chante le générique de Cynthia. Son vrai titre japonais est Hikari no Densetsu, la légende d'Hikari. Les Japonais ont depuis longtemps l'habitude de donner des titres simples à leurs productions, comme Taiyo no Ko Esteban, Esteban, le fils du soleil, pour les mystérieuses cités d'or par exemple. Diffusée en septembre 1986 au Japon et en 1988 sur la 5, l'histoire se déroule sur 19 épisodes seulement, alors qu'initialement il en était prévu 26. Cela est dû au manque d'audience de la série au Japon à l'époque de sa diffusion. A l'inverse, la série a très bien marché dans les pays européens, provoquant comme pour Jeanne et Serge ou Olivier Tom une recrudescence d'inscriptions dans les clubs de GRS. Il est à noter qu'il s'agit d'une adaptation d'un manga de Izumi Asao en 18 volumes et qui, elle, garde la véritable fin de la série puisque prématurément arrêtée. Découvrons ensemble l'opening japonais Heart no Kisetsu, chanté par Tsukasa Ito. Cynthia Duval, Hikari en VO, est une jeune débutante en gymnastique rythmique et sportive, et rêve d'être un jour championne du monde dans cette discipline. Elle fera la connaissance de Deborah Steller, Azuki, en qui elle trouvera une sérieuse concurrente pendant les compétitions, mais aussi une rivale en amour, puisque les deux voudront conquérir le cœur indécis de Willy Corbier, Takaki, la star de la GRS masculine de leur école. Cynthia a par ailleurs, pour ami d'enfance, un musicien tourmenté, Frédéric, Mao en japonais, qui lui composera au piano les thèmes de ses enchaînements. Leur association sera si parfaite que Frédéric succombera au charme de Cynthia dans une passion sans bornes, mais à sens unique, puisque Cynthia est davantage attirée par Willy, qui lui-même semble n'avoir d'yeux que pour Déborah. Fragilisée par ses amours tourmentés, Cynthia ne trouvera son bonheur qu'à travers sa passion. Merci à planètejeunesse.com pour le très beau résumé de la série. La musique a été composée par Eiji Kawamura. Son nom n'est pas très célèbre, mais il a composé des soundtracks qui, par leur animé, ont marqué les esprits de ceux qui ont connu l'époque manga vidéo. Par exemple, c'est Eiji Kawamura qui est le compositeur de la série d'OAV Guyver, mais aussi des OAV de Blackjack, sorti chez AK Video, ainsi que le film, lui aussi sorti en France chez 7-7, dans la collection HK Video. On lui doit aussi les musiques de la série Tobigage, le guerrier ninja, vu sur TF1 dans le club Dorothée Vacances. Mais oui, rappelez-vous, il fallait voter pour des nouvelles séries, et si elles n'avaient pas de succès, hop, elles disparaissaient alors qu'elles étaient presque entièrement doublées. Mais on change de sujet là. La musique de Hikari no Detsetsu est belle, et les compositions sont à la hauteur de la pop-rock japonaise de l'époque. En effet, Cynthia ne danse que sur des compositions de Frédéric, qui sont loin d'être des standards pour la GRS. Cela nous donne donc un album enlevé, et qui n'ennuie jamais. Écoutons quelques extraits justement de ce soundtrack. tu mets la laine. Thank you. C'était le ending de Hikari no Densetsu, Kataumoi no Humming, chanté par Tsukasa Ito. Vous retrouverez la référence du CD sur le site de animenomelody.fr. Devient pour aller au combat le grand musclore au pouvoir fantastique. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié. L'invincible musclore. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié. La sorcière au pouvoir magique sont avec muscles quand sonne l'alarme. Les maîtres de l'univers vont défendre la terre contre ses ennemis, tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers vont défier l'enfer pour faire du monde entier un monde d'amitié. Les Maîtres de l'Univers, ou dans son titre original He-Man and the Masters of the Universe, est une série animée américaine qui a connu son heure de gloire à partir de sa première diffusion en 1983. Il s'agissait avant tout de mettre en avant une gamme de jouets Mattel, He-Man and Masters of the Universe. Cela met plus en avant le nom de He-Man, son héros principal, l'homme le plus fort de l'univers, qui dans la VF est nommé Musclore. Cette collection de jouets avait commencé plus tôt en 1981. Les Maîtres de l'Univers, le dessin animé, compte 130 épisodes, deux saisons exactement. Mais on peut aussi noter un film live, deux films animés, Le Secret de l'Épée et Christmas Special, un spin-off, She-Ra, la princesse du pouvoir, une autre série futuriste se déroulant après celle-ci, He-Man, le héros du futur, et enfin une série moderne réalisée en 2002 pour les 20 ans de la gamme de jouets. Les musiques, qui sont devenues aussi cultes que celles des Mystérieuses Cités d'Or ou Ulysse 31, ont été écrites par M. Saban et Chucky Levy, très productifs à l'époque. Il est à noter que deux musiques des Cités d'Or ont été reprises dans Les Maîtres de l'Univers, ou inversement, car elles ont été composées dans les mêmes mois de production des deux œuvres. Savourons ensemble quelques extraits de ce double CD sorti chez La La Land en édition limitée. He-Man, He-Man, Thank you. Vous trouverez la référence de ce double CD sur le site de animenomelodie.fr ou bien dans la description de Animenomelodie via votre lecteur de podcast. Dans les années 90, plusieurs séries ont marqué cette génération. Parmi celles-ci, nous pouvons citer Fushigi no Umi no Nadia, que nous traiterons dans un spécial Omake prochainement, mais aussi Evangelion ou encore Escaflowne. C'est de cette dernière série que nous allons parler. Mais auparavant, écoutons donc le magnifique opening chanté par la débutante Maya Sakamoto, le titre Yakusoku wa Iranai. La série qui date de 1996 raconte l'histoire d'Itomi, une jeune lycéenne mal dans sa peau, possédant le don de cartomancie, lui permettant, dit-elle, de lire l'avenir dans les cartes, un don qu'elle tiendrait de sa grand-mère. Un soir, après qu'un dragon apparaît dans sa cour de l'école, accompagné d'un jeune homme à sa poursuite, elle est peu après happée et téléportée malgré elle sur la planète Gaïa, où elle fera plus ample connaissance avec ce jeune homme qui n'est autre que le roi Van Fanel, du royaume de Fanelia, descendant du peuple des Atlantes, et plus tard du chevalier Alain César, du royaume d'Astria. Tous deux luttent contre l'empire Zybaker à bord de leur Gaimelef, sorte d'armure géante, des mécas en somme. Escaflone, le Gaimelef de Van, et Scheherazade, le Gaimelef d'Alain. Itomi se retrouve alors au cœur du conflit, mais aussi d'un triangle amoureux bien compliqué. Cette série possède sérieusement une forte personnalité. Grâce aux mécas, tout d'abord, de toutes deux beautés, parfois réalisés en images de synthèse, superbes pour l'époque, et surtout pour une réalisation surprenante, au souffle aussi épique que la musique qui la met superbement en valeur. Justement, parlons de la musique de Yoko Kanno. Après ses compositions pour Macross Plus, et toujours accompagnée de Hajime Mizoguchi, un violoncelliste de renom, elle donne à la musique de Escaflone une âme à l'aura magnifique. Dans chaque œuvre sur laquelle elle a travaillé, elle a su donner une sonorité particulière et réussi à coller finalement à l'œuvre. Ici, pour ce nouveau monde, qu'est Gaïa, le lyrisme est de mise, avec des chants grégoriens, des chants remplis de ferveur, comme une prière pour les dieux. L'utilisation d'un orchestre symphonique, celui de Varsovie, permet tout de suite de donner de l'ampleur à l'œuvre pour les moments de combat ou de plénitude, tout en harmonisant l'ensemble des musiques ethniques, car la planète Gaïa possède plusieurs cultures peu évoluées ou encore à l'état sauvage. Oui, Tanku no Escaflone possède bien l'une des meilleures BO de musique d'animé de l'histoire japonaise. Un tour de force lié par le génie de Yoko Kanno, certes, mais aussi du scénario, de son animation, bref, de l'aura entière du projet. Écoutons donc quelques thèmes sélectionnés parmi les 3 CD soundtrack que possède la série. Escaflone. Thank you. Otra diana vita, otra diena ianza. Otra diana vita, otra diena ianza. Otra diana ianza, otra diana vita. Otra diena ianza, otra diena ianza. Otra diena vita, otra diena vita, otra diena ianza. Otra diena vita, otra diena ianza. Otra diena ianza, otra diena vita. Otra diena ianza, otra diena vita. Otra diena vita, otra diena vita, otra diena ianza. Otra diena vita, otra diena ianza. Otra diena ianza, otra diena vita. Otra diena ianza, otra diena vita. Otra diena vita. Thank you. Thank you. Vous trouverez la référence de ces trois CD sur le site de animenomelodie.fr ou bien dans la description de Animenomelodie via votre lecteur de podcast. Animé nos Mélodies 19, c'est terminé. Je remercie mes partenaires Ryodoka et Yann Kouza et je vous invite à découvrir leurs podcasts respectifs sur la page Facebook d'Otaku nos Mélodies. Vous avez aussi les liens dans le descriptif de ce podcast. N'oublions pas aussi planètejeunesse.com, donc c'est planète-jeunesse.com, qui est une mise d'informations pour tous ceux qui veulent s'intéresser à l'arrière-boutique de la création des dessins animés de notre jeunesse. Pour terminer, je remercie aussi Yannick Rowe pour le magnifique opening de l'émission et tous les poditeurs qui me suivent depuis ces 3 ans. Un spécial bisou des familles à Genma et Fabrice Nolio. Je vous laisse avec le ending de Ran, la légende verte, une série de 1992 en 3 OAV, sortie chez Kazé à l'époque en VHS et en 2004 en DVD. La chanson s'intitule Yasashisa wa Furu Ame no Youni et c'est chanté par Hiroko Kasahara. Et n'oubliez pas que la musique des animés, ce n'est pas que pour les Japonais. Au mois prochain !